bienvenue dans l'émission de rentrée de l'association La Boussole. Aujourd'hui, nous recevons des militants et alliés du mouvement ATD Quart Monde pour parler de la journée mondiale du 17 octobre du refus de la misère. Il y aura ce jour-là à Montpellier de nombreuses manifestations, organisées notamment par ATD Quart Monde et d'autres associations, dont nous allons vous parler aujourd'hui et vous présenter les actions qui auront lieu ce jour-là à Montpellier. Donc pour parler de cette journée, nous sommes avec quatre militants et alliés du mouvement ATD Quart Monde qui vont se présenter à vous. Donc je vais commencer par Lucette. Bonjour Lucette. Bonjour Lucette, donc je suis militante à ATD Quart Monde depuis 3 ans. D'accord, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton action sur ATD Quart Monde? Ben, disons, c'est un petit peu général, parce que bon, tout le monde réfléchit à des problèmes, tout le monde, on n'a pas une action vraiment bien spécifique, tout le monde, c'est d'accord, un groupe. D'accord, c'est plutôt polyvalent. C'est un groupe, voilà. D'accord. Hugues aussi dans les studios, bonjour. Bonjour, Hugues, moi je suis allié sur ATD et en même temps que correspondant au niveau du national. Moi si je suis rentré, que j'ai rejoint le mouvement d'ATD Quart Monde, c'est parce que je pense moi personnellement qu'une société humaine, elle devrait en place de demander à des personnes fragilisées de s'adapter à elles, de s'adapter aux difficultés de chacun et de chacune de ses concitoyens. C'est là à mon avis la base et l'essence même de la Déclaration des droits de l'homme. Merci. Bonjour, Jackie. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jackie, je suis membre d'ATD Quart Monde en tant que militant actif. Alors disons que mon but en même temps, c'est d'aller des fois au contact des gens des SDF et aussi en même temps des réfugiés, comme ça m'arrive fréquemment, je ne peux pas dire, mais bon, j'ai fait des démarches pour en trouver et quand je les trouve, je suis content, ça me fait plaisir de discuter avec eux, bon, sauf que des fois, bon, le Parlement, moi je parle français, bon, j'arrive un petit peu à parler anglais, mais bon, pas trop, j'essaie de me débrouiller, mais bon, on arrive à se débrouiller avec des gestes et tout ça, et puis bon, je suis content d'être avec eux des fois, et puis bon, je les vois fréquemment surtout, et je continue, j'aime persister sur cette ligne, voilà. Merci, vous nous parlerez d'ailleurs tout à l'heure un peu de ce que vous faites. Ok. Bonjour Serge. Alors je m'appelle Serge, je suis à ATD Quart Monde environ depuis 5 ans. Je participe principalement à des groupes de réflexion ou de paroles échangées, d'échanges de paroles avec des professionnels, des gens de la rue, etc. Tous les intervenants de ce problème fondamental et crucial qu'est le perpétuellement reposé, celui de la pauvreté, celui de la misère dans un pays riche comme le nôtre. C'est totalement inacceptable. Merci. Et donc le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, il y aura des actions organisées sur Montpellier. Et donc ATD Quart Monde, représenté aujourd'hui dans nos studios, est un des mouvements qui est à l'origine de cette journée, de l'organisation de cette journée. C'est un mouvement, donc ce n'est pas le seul mouvement. Il y aura d'autres associations qui participeront à cette journée dont on parlera durant l'émission. Mais pour parler un petit peu d'ATD Quart Monde et les présenter, donc c'est un mouvement international sans appartenance politique ou confessionnelle, créé avec des personnes en grande pauvreté. Il mène des actions qui visent à détruire la misère par l'accès de tous aux droits fondamentaux. Et il développe particulièrement des accès au savoir, à la culture, à la prise de parole, comme des bibliothèques de rue, des universités populaires et autres. Il mène également une activité d'édition et de recherche avec les personnes qui vivent l'exclusion. Il se mobilise afin qu'au plan local, national et international, les personnes démunies soient écoutées et représentées et que la lutte contre la grande pauvreté, soit une priorité. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des infos supplémentaires sur leur site www.atd-du-6-quart-monde.fr. Et donc, pour faire un petit rappel historique, ce mouvement a été créé en 1957 par Joseph Brzezinski. Donc, cette année, on est au 60e anniversaire, que je ne me trompe pas, de la journée du 17 octobre. On est au 30e anniversaire de la création d'ATD Quart Monde. Et on est également au 100e anniversaire de la naissance de Brzezinski. Et j'ai fait une erreur, j'ai confondu. Reprenez-moi. C'est les 30 ans de la journée du refus de la misère et les 60 ans du mouvement ATD Quart Monde. Voilà, merci Hugues de m'avoir repris et désolé pour cette erreur. Donc voilà, donc je vous rappelle le site atdquartmonde.fr si vous voulez avoir un peu plus d'éléments suite à cette émission. Si vous voulez adhérer et venir participer avec nous, il suffira de nous rencontrer à la fête des associations où nous serons présents, ou sinon de vous mettre en contact avec notre présidente, Cathy, qui a un site. Vous connaissez son qui? Non, on n'a pas le site, mais sur, je pense qu'en passant par ATD Quart Monde, on arrivera à contacter, ou même via le Facebook de La Boussole, si vous êtes intéressé, on donnera tous les contacts. Pour terminer sur la présentation de ATD Quart Monde, on voulait aussi vous passer une interview de Marie-Françoise Combaz, qui est un personnage un peu historique dans ATD Quart Monde à Montpellier, à l'origine de l'organisation, de cette journée du 17 octobre sur Montpellier, parce que ça se fait cette année, mais ça fait chaque année, en fait, le 17 octobre, il y a des manifestations. Donc on va écouter Marie-Françoise Combaz, qui va pouvoir nous donner un peu plus d'éléments sur ATD Quart Monde. Donc je suis avec Marie-Françoise Combaz d'ATD Quart Monde, qui fait partie d'ATD Quart Monde depuis très longtemps, qui s'est occupée pendant pas mal d'années d'organiser la journée du 17 octobre sur Montpellier. Donc bonjour Marie-Françoise. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'ATD Quart Monde, de son fonctionnement, d'un petit peu ses objectifs et de vos expériences? Bonjour. Alors, ATD Quart Monde est un mouvement du refus de la misère. D'ailleurs, le 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Et les principes fondateurs d'ATD Quart Monde, c'est tout d'abord le respect des droits de chacun, des droits humains, des droits fondamentaux. C'est le respect de la dignité de toutes les personnes. Et en termes de fonctionnement, il y a eu un choix qui a été fait au départ, et c'est vraiment dès l'origine du mouvement, ce choix a été fait. C'est un mouvement qui accueille en son sein, comme adhérent, les personnes qui sont en situation de difficulté, de précarité. Le mouvement a été créé avec des personnes en situation difficile qui étaient sur un camp, un bidonville, à Noisy-le-Grand. En 1957. Donc c'est la logique, on ne fait pas le seulement pour, mais on fait avec. On fait avec, et les personnes en difficulté sont complètement participantes au mouvement. Et c'est une grande richesse pour le mouvement, et on pense que c'est une grande richesse pour la société de les écouter, de les entendre, et qu'ils puissent participer finalement à toutes les décisions qui vont les concerner, mais qui concernent les autres aussi. Et en gros, concrètement, comment ils participent, par exemple? Alors, il y a plusieurs fonctionnements, mais le fonctionnement de référence, on dira, à TD Quart Monde, ce sont les universités populaires Quart Monde, qui sont des universités populaires régionales. Je dis bien Quart Monde, parce que le terme université populaire est utilisé pour beaucoup d'autres choses. Mais là, en fait, des sujets sont travaillés, parfois à la demande de l'équipe nationale, parce qu'on sent qu'il y a un sujet de société à travailler. Par exemple, en ce moment, le thème central, c'est celui de la famille. Et sur ce thème-là, les universités populaires régionales vont fonctionner en petits groupes. Ce sont des petits groupes de personnes en situation difficile qui vont explorer le sujet, dire tout ce qu'elles en savent à partir de leur expérience, mais aussi à partir de leur réflexion, et tout ce qui, à leur avis, est fondamental pour essayer d'accompagner mieux les familles du Quart Monde. Et à partir de ce travail qui est fait par les personnes en difficulté elles-mêmes, il va y avoir un travail qui sera mené par le mouvement, avec des professionnels également, avec des chercheurs aussi, de façon à travailler, chez nous on parle de croisement des savoirs. On réunit les savoirs des uns et des autres, et ensemble on a une meilleure vision, une meilleure compréhension des phénomènes qui peuvent se dérouler, et on a une meilleure orientation des solutions qu'il faudrait appliquer. Et du coup, est-ce que derrière, concrètement, on a parlé un petit peu au tout début de l'émission, le ATD Quart Monde a permis qu'au niveau politique, des choses bougent. Donc j'imagine que suite à ces groupes-là, vous vous servez de ça pour essayer de faire évoluer un peu au niveau politique, et comment les choses se passent concrètement? Oui, alors on a des exemples récents, même si on a des exemples plus anciens, comme par exemple le RMI, la participation pour la loi Dalo, droit au logement opposable. On n'était pas seuls, mais on était très présents. Il y a eu également l'AME, la CMU, qui sont des lois qui ont été construite en grande partie, pas uniquement, mais aussi en grande partie, à partir de travaux qui ont été réalisés au sein d'ATD Quart Monde. Et dans les lois les plus récentes, en 2016, il y a eu la loi Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est une loi qui permet l'expérimentation sur une dizaine de territoires de... C'est un peu difficile à expliquer, mais en gros, c'est sur un territoire donné qui est partenaire, comment est-ce qu'on peut mobiliser toutes les ressources de ce territoire, de la commune par exemple, y compris avec Pôle emploi, avec le CCAS, avec les associations présentes, pour créer des emplois utiles, nécessaires sur ce territoire-là, financés par ces organismes-là, plutôt que de verser, par exemple, des allocations de chômage ou autres. Et ce sont des emplois qui sont créés à partir des compétences des gens. Ben, ce travail-là a été entièrement construit localement à partir de cette réflexion avec des personnes en situation difficile et qui souhaitaient travailler. Donc de ces groupes de travail où les personnes sont présentes, derrière, les choses remontent un petit peu et ça a des répercussions au niveau politique. C'est ce que vous me disiez un petit peu tout à l'heure aussi, c'est que parfois les personnes ne se rendent pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir au niveau leur action locale au niveau national. Oui, c'est sûr que lorsqu'on s'investit dans une bibliothèque de rue, par exemple, on ne sait pas obligatoirement, on n'a pas obligatoirement conscience que les comptes rendus que l'on fait et que l'on envoie au national et qui sont tous stockés dans un centre d'archives qui est unique en France, les archives du mouvement depuis sa création, depuis 1957, représentent finalement toute l'histoire à la fois des personnes du quart monde. Parce que l'histoire qu'on apprend à l'école n'est jamais l'histoire des plus pauvres, mais plutôt l'histoire des puissants, mais également l'histoire de tous les engagements du mouvement aux quatre coins de France et même du monde. Et à partir de ces écrits, il y a une étude qui peut être faite avec des chercheurs, avec des professionnels, et c'est de là que des idées vont émerger sur la manière de mieux gérer un problème particulier. Par exemple, l'an dernier aussi, il y a eu la loi qui a fait reconnaître la pauvreté comme une discrimination. Voilà. Et le mot pauvrophobie est apparu. Merci. Donc on vient d'écouter Marie-Françoise Combas, qui a pu nous présenter un peu plus en détail ATD Quart Monde et notamment son fonctionnement. Ce qu'on peut en retenir notamment, et pour en avoir déjà parlé ensemble avec vous, Hugues, il y a cette notion de faire avec et pas que pour. C'est-à-dire que les gens sont impliqués dans les réflexions, dans les accompagnements, comme vous pouvez l'être aussi. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous, de ce phénomène de avec et pas pour ? Alors, pour venir là-dessus, je vais parler justement de la différence entre militant actif et allié. Un militant actif est une personne qui a connu la précarité, ou qui connaît la précarité et qui est engagé auprès d'ATD. Donc, il amène sa propre expérience pour apporter des solutions et des idées. Donc ça, c'est les statuts d'ATD Quart Monde. C'est-à-dire que dans ATD, un militant, c'est ça, d'accord. Voilà. Et travailler avec, c'est ne pas apporter spécialement l'aide qui est faite par d'autres associations et qui le font très bien, c'est-à-dire apporter de l'aide alimentaire, apporter de l'aide. C'est amener les personnes qui sont dans des situations précaires, dans des situations d'exclusion, à redevenir acteur de la société. De redevenir acteur par eux-mêmes, avec l'accompagnement, redevenir acteur de la société, ouais. Voilà. D'accord. Et donc, il y a un peu un exemple concret sur Montpellier de ce travail-là, avec notamment le réseau école, dont vous pouvez nous parler un petit peu, Lucette. Alors, le réseau école, c'est sûr que c'est assez, disons, assez difficile en ce moment. Donc, il y a, en associant les parents à l'école, tous les enfants peuvent réussir. C'est donc la chose principale en ce moment qui est sur Montpellier. Et ça concerne donc Paul Valéry, les enseignants, les membres d'ATD et les parents d'enfants en difficulté essayent de discuter autour d'un café projets, par exemple, pour améliorer l'apprentissage scolaire. Parce que, bon, et ce n'est pas évident avec des enfants souvent d'origine étrangère, et voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des enseignants qui rencontrent des difficultés dans l'apprentissage avec les jeunes avec lesquels ils travaillent, parce qu'il va y avoir des jeunes en grande difficulté, toutes les difficultés qu'on peut connaître. Et en fait, ils prennent l'initiative de se regrouper entre eux, avec aussi des membres d'ATD Quart Monde, des chercheurs et autres, pour essayer de trouver des solutions entre eux, pour arriver à pallier à ces problèmes-là, sans forcément attendre que les solutions viennent des politiques ou autres. Et de là est né ce réseau école avec un projet alter ego, il me semble. Le projet alter ego, le projet alter ego, c'est différent. Les militants donc s'engagent à aller dans les écoles ou les lycées pour parler de leurs problèmes, de leurs difficultés, des difficultés d'autres personnes, pas que. Et donc ensuite, il y a donc des écrits, des récits et quelquefois des petites scénettes qui ressortent de toutes ces réponses que les enfants donnent, ou les élèves, ou les lycéens. Par exemple, là, cette année, je suis allée à Agde, au lycée Auguste Louboutière, pour parler donc de mon problème, de mon vécu, donc d'autres personnes aussi de la rue. Et donc, les élèves ont fait des petites scénettes, et ces petites scénettes ont été jouées à Montpellier, au lycée Joffre, pendant la comédie du livre. Voilà, donc ça, c'est un exemple pour vous illustrer. Un exemple concret. Voilà. D'accord. Merci, Lucette. Donc, l'idée, voilà, bien retenir de ce qu'on entend à ATD Quart Monde, c'est ce que disait tout à l'heure Hugues, la question de faire que les personnes puissent être actrices et faire avec et pas que pour. Et comme tu le disais, Hugues, il y a aussi plein d'associations qui font déjà ce travail-là, et très bien, qu'on recitera le Secours Populaire, le Secours Catholique. C'est des mouvements que vous pourrez retrouver lors de la journée du 17 octobre, dont on va parler tout à l'heure. On va parler de la question un peu de la pauvreté, parce que c'est la journée mondiale du refus de la misère. Donc tout à l'heure, chacun un peu vous nous parlerez d'un des thèmes sur la pauvreté que vous pouvez avoir dans votre action auprès d'ATD. Juste pour fermer la boucle sur ATD Quart Monde, avant de faire une petite pause musicale, vous vouliez parler à la fois rapidement du week-end du 14 et 15 octobre, le village des alternatives, si je me trompe des initiatives, qui se déroulera Place de la République à Paris. Vous voulez nous en dire un mot rapidement ? Mes explications risquent d'être un petit peu confuses. C'est pour célébrer justement les 30 ans du mouvement et les 30 ans du dépôt d'une plaque au Trocadéro, qui a été déposée en 87, donc, où il est inscrit « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Ça, c'est le père Joseph Brzezinski, donc à l'origine du mouvement, qui avait fait graver ces mots-là. Donc voilà, vous pourrez retrouver le week-end du 14 et 15 octobre le village donc des initiatives, Place de la République à Paris, organisé par ATD Quart Monde. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site. Nous, tout à l'heure, on va revenir pour vous parler de la journée du 17 octobre, du refus de la misère et des événements qui auront lieu sur Montpellier. En attendant, on va faire une petite pause musicale et on va écouter Maxime Le Forestier, Être né quelque part. Sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Donc après vous avoir fait une présentation d'ATD Quart Monde, comme je vous ai dit, vous pourrez retrouver maximum d'infos sur leur site internet atdquartmonde.fr. On voulait rentrer un peu plus dans le détail, parce qu'on est là pour parler de la journée du 17 octobre, de la journée mondiale du refus de la misère, et donc d'essayer un peu de poser un constat sans trop de prétention sur les misères aujourd'hui et surtout à travers les expériences et les actions que peuvent mener les militants et alliés d'ATD Quart Monde qui sont présents dans nos studios. Moi, je voulais juste rappeler quelques chiffres. Donc aujourd'hui, plus d'1 milliard d'êtres humains vivent avec moins d'$1 par jour. 2,8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, vivent avec moins de $2 par jour. 448 millions d'enfants souffrent d'insuffisance pondérale. 876 millions d'adultes sont analphabètes, dont 2/3 sont des femmes. Chaque jour, 30 000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies qui auraient pu être évitées. Et plus d'1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau salubre. Et 20% de la population mondiale détient 90% des richesses. Voilà, ça me semblait important de reposer un petit peu rapidement ce constat. Donc aujourd'hui, voilà, on a des membres d'ATD Quart Monde qui ont pu vous expliquer qu'ils travaillent au quotidien avec des personnes dans la misère. Ils y réfléchissent, mais ils vont aussi à leur rencontre. Parfois même, pour certains, ils l'ont connu aussi. Et donc, ils vont vous parler un petit peu chacun d'un thème qu'ils ont voulu vous parler par rapport à leur action. Et donc, on va commencer notamment avec Lucette, qui va nous parler de la question des enfants et des femmes. Alors, les femmes sont plus discrètes au point de vue pauvreté que les hommes. Elles n'osent pas, ou très peu, le font fréquenter les structures d'accueil qui reçoivent tous les matins les sans-abri, les personnes qui ont peu de ressources, le RSA et tout ça. Et pour obtenir un petit déjeuner ou pour prendre une douche qui est souvent gratuite ou avec une somme modique. Ce sont deux choses indispensables pour avoir une vie décente et retrouver la dignité. Elles fréquentent davantage les structures épiceries sociales pour obtenir de la nourriture une fois par semaine à peu de frais. Les femmes doivent assurer aussi l'éducation des enfants qui restent très précaires. Les enfants étrangers ne parlant pas français malgré les lieux d'accueil où beaucoup de migrants essayent d'apprendre notre langue. L'école étant obligatoire pour tous, de nombreux enfants sont dans la rue tout au long de l'année. Donc à Montpellier, il existe aussi... pour les enfants, les bibliothèques de rue, ce sont comme son nom l'indique, des personnes d'ATD Quart Monde qui vont au-devant des enfants gitans ou des enfants roms. Et comme son nom l'indique, les bibliothèques de rue se passent dans la rue ou sur le trottoir. Donc vous voyez, c'est quand même assez insolite quand même comme lieu pour donner aux enfants l'espoir de lire un petit peu ou d'apprendre à jouer. Merci Lucette. Hugues voulait intervenir sur la question des migrants. Voilà, c'est-à-dire bon, moi je suis très très proche des migrants. Moi je travaille beaucoup avec eux. C'est plus ou moins quand même mon domaine de prédilection au sein de l'ATD Quart-Monde. Je fais du soutien scolaire, notamment avec les enfants qui sont sur le bidonville du Masse-Rouge. Et j'accompagne des familles, des enfants, des parents, des pères, des mères, des hommes, des femmes, des enfants, des filles. Parce que les chiffres ne représentent juste quelque chose de très abstrait, mais il faut plus parler d'hommes. Et c'est vrai que la misère a plusieurs visages. Elle n'a pas qu'un visage de pauvreté au niveau argent, au niveau matériel. La pire des précarités, c'est quand même l'exclusion d'une société, se sentir exclu, se sentir inutile. Et c'est le cas justement de beaucoup de migrants. Parce que justement, ils n'ont pas la possibilité d'exprimer et de mettre en exergue leur savoir. Parce que toute personne a un savoir-faire ou un savoir-être. Et je pense que la France doit apporter d'urgence des réponses à ces milliers justement d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes isolés, abîmés, souvent violés pendant leur parcours, perdus et qui ont besoin de la protection justement de la France. Il ne s'agit pas, à travers ces propos-là, juste de parler d'humanité, mais d'un acte plus citoyen. Sous la responsabilité de chacune et chacun d'entre nous. Il s'agit ici du respect du droit français que nos institutions, malheureusement, ne font que bafouer. On est, à mon sens, tous des migrants potentiels. Il n'existe donc, pour moi, aucun étranger, ni de migrants, ni de sans-papiers, ou de personnes en situation irrégulière. Tous ces mots, ils éveillent plus la peur de l'autre, ce qui donne naturellement naissance à tous ces préjugés qui ne font que désigner les plus fragiles comme responsables de tous les maux dont souffrent nos sociétés. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais parler deux petites secondes d'un livre édité par ATD Quart-Monde qui reprend justement toutes les idées fausses pour finir en finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, que vous trouverez d'ailleurs sur le site que Cyril a cité tout à l'heure. J'en prends deux ou trois comme ça. Les étrangers sont attirés par notre protection sociale. C'est complètement faux. Ils sont avant tout attirés par la perspective d'un travail et d'un endroit où ils trouvent la paix et la sérénité. Bon, je ne vais pas revenir sur tous les préjugés, mais... On comprend bien le message, en tout cas. Voilà, donc pour moi, il n'y a que des inconnus. Ce mot inconnu appelle juste à être connu ou reconnu, parce que c'est dans l'autre qu'existe la richesse de l'humanité, à mon sens. Et le seul terme qu'on peut utiliser vraiment pour définir avec un statut légal ces personnes, c'est le statut de réfugié, demandeur d'asile. C'est un statut qui existe de par la Convention de Genève, qui a été signée le 29 juillet 51, et qui dit « Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte ne veut, se réclamer de la protection de ce pays. » Voilà, et je prendrai pour terminer la Déclaration des droits de l'homme, notamment l'article 35 qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insoumission, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Et je finirai sur une citation de Charles Péguy qui dit « Il suffit qu'un seul homme soit tenu sciemment, ou, ce qui devient au même, sciemment laissé dans la misère pour que le pacte civique tout entier soit nul. Aussi longtemps qu'il y a un homme dehors, la porte qui lui est fermée au nez ferme une cité d'injustice et de haine. » C'est la raison pour laquelle je me suis engagé auprès de migrants, parce qu'il est hors de question pour moi, par rapport à mes valeurs profondes, de vivre dans un pays qui devient une cité d'injustice et de haine. Merci Hugues. Jackie, voulez-vous aussi nous parler un petit peu de ton expérience au quotidien, de ce que tu fais, des gens que tu rencontres et surtout de leur réalité? Ben oui, mais disons que je suis souvent en relation avec des gens qui sont SDF la plupart du temps et qui vivent dans des grosses précarités, parce que bon, moi je suis passé un peu par là par aussi. À un moment donné, comme on dit, j'étais jeune, j'étais gaffeur, puis je me suis sauvé un peu parce que bon, comme on dit, mon père venait se séparer de sa femme, disons ma mère, et on me prenait des coups dans la tête. Et alors, à un moment donné, j'appréciais pas, moi je me suis sauvé. Et puis bon, c'était en plein hiver, je me cachais dans les cartons pour pouvoir me couvrir et pour pouvoir avoir froid. Puis bon, en fin de compte, bon, la vie est passée, on m'a foutu dans un foyer. Bon, je ne tenais pas mon foyer, je me sauvais sans arrêt. Bon, après, la vie a continué son chemin, j'ai refait ma vie. Bon, j'ai eu des enfants, je me suis séparé, je me suis retrouvé, comme on dit, dans la galère. J'ai revécu un peu le monde du SDF. Puis bon, là, bon, maintenant, ça va mieux. C'est qu'il y a, bon, il y a quelques années, bon, je suis rentré en tant que membre actif chez ATD Quart-Monde. disons que je me sens bien et puis bon, je vois des choses, comme on dit, qui me concernent parce que j'ai vécu ça. Mais c'est surtout, je suis lancé aussi dans le monde des réfugiés. Et je vais citer quelque chose que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Je suis rentré en contact avec des réfugiés syriens et ça fait mal au cœur parce que ils ont perdu leur fille dans un bombardement. Et il y a le grand frère qui a été sauvé, son petit frère. Comme on dit, il était en train de brûler. Il s'est brûlé tout le bas de la jambe, le grand frère. Bon, et après, son petit frère, en sortant, il était tout brûlé, lui aussi, le grand frère, du visage, sur tout le côté du corps. Bon, il est vivant, c'est le principal. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont perdu leur sœur dans cette histoire. Et ça fait mal. Mais ils reprennent goût. Comme on dit, ils sont en France, ils sont heureux. Les parents, ils ont repris, ils ont trouvé du travail. Ils ont un petit appartement. Il y a une dizaine de familles qui les accompagnent avec eux. Ils sont très bien. Ils, maintenant, comme on dit, ils sont accordés par tout le monde, par les Français. Parce qu'ils se sont fait montrer en tant que personnes bien. Et ils ont fait montrer leur valeur. Et ça, ça c'est des gens que j'estime beaucoup. Et puis, comme on dit, si en cas vous m'entendez en rapport à ce que je viens de dire, si vous voyez des réfugiés, essayez de les aider, tendez-leur leur main, vous verrez que vous pouvez vous faire des amis. Et c'est ça la bonne chose. Et je serai fier de vous en même temps si un jour je peux vous voir pour faire ça. Maintenant, je ne sais pas quoi dire. Ce qu'il y a, c'est que moi, comme on dit dans cette histoire, si un jour vous pouvez aider les SDF ou aussi bien les réfugiés, ils ont toujours besoin d'aide, ils ont toujours besoin d'avoir de contact. Bon, c'est méfiant, il faut les approcher tout doucement. Mais ce qui se passe, c'est que c'est des gens, ils ont besoin d'avoir du contact. Et si à un moment donné, ils vous estiment, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous voir tous les jours, vous pouvez discuter avec eux, et ça serait super. Et puis en même temps, ça pourrait faire quelque chose un peu aux Français, en leur disant dans la tête qu'il faut se réveiller, au moins il faut s'entraider et se tendre la main. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben merci, c'est suffisant largement. Merci beaucoup, Jackie, pour ce témoignage. Serge aussi voulait intervenir, plus sur la dimension un peu de la misère au niveau mondial, on va dire, de sortir un petit peu du côté français, de notre côté à nous, et plus sur une dimension mondiale. Notre journée du 17, comme son nom l'indique, c'est la misère dans le monde. Donc, on ne peut pas se contenter de considérer ce qui se passe en Europe ou dans les pays russes, ce qui est déjà inacceptable. Alors maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe dans les pays pauvres? On a vu, on nous le disait, pour échapper à la guerre, on vient se réfugier en Europe. Oui, mais ceux qui ne peuvent pas s'échapper et qui vivent comme en Afrique noire, un état de guerre permanent depuis plus de 50 ans. Ceux qui laissent dans la rue des enfants, sans soutien, sans rien. Quelques associations vont créer un petit orphelinat à tendance catholique, d'autres plus civiles vont créer aussi, mais ça ne va concerner que 50, 60 enfants, alors qu'ils sont des millions. Voilà, il faut considérer maintenant comment ça se passe dans les pays vraiment pauvres, et non pas comment ça se passe. C'est une misère différente qui a un autre accent. Prenons le pays le plus pauvre du monde est en Afrique, c'est le Centrafrique. Pour vous donner un chiffre, le vieillissement, nous avons l'espérance de vie jusqu'à 80 ans, à peu près, 81 ans. L'espérance de vie en Centrafrique est de 51 ans. Le produit par individu en Afrique est de 840 euros. Contre, là je suis obligé de regarder mes chiffres, 43 000 en Allemagne. Vous vous rendez compte de cet écart? Alors des savants, ce sont des intellectuels, se sont pensés pourquoi les pays sont pauvres. Oui, pourquoi les pays sont pauvres et d'autres sont riches? Alors les uns, on a avancé la théorie, on n'a pas d'accès à la mer, donc on ne peut pas faire du commerce. On n'a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, donc on est cantonné. Et après on s'est aperçu que ce n'était pas si vivant, parce qu'en Centrafrique, ils ont l'accès à la mer, mais par contre ils n'ont pas d'électricité, mais vraiment pas d'électricité. Ils ne pourraient pas, il y a 2-3 usines européennes, françaises principalement, c'est une ancienne colonie française, qui ont essayé de faire une activité. Mais ils ont dû apporter des groupes électrogènes faramineux qui montent les prix. Enfin, c'est pratiquement du bénévolat. Alors, il y a donc ça. Alors, il y en a d'autres qui disent « Ah, mais les pays du Nord, au-dessus de l'équateur, ils ont fait froid, tout ça. Alors, donc, on est obligé de se protéger. On construit en Afrique, fait chaud. Pas niente. Et pas besoin de... J'attrape un fruit sur l'arbre, j'attrape un lézard, et ça y est, j'ai mangé. C'est un peu simpliste quand même, comme explication au 21e siècle. Parce que la même personne qui vit comme ça, elle a un portable avec Internet dessus. Il y a des aberrations comme ça qui sont cruciales. Prenons le seul pays... Il y a 30 ans, la Chine. Il y a 30 ans, c'était un pays miséreux et pauvre. Grâce à un travail d'infrastructure, grâce à un travail d'implantation d'usines, l'Afrique a sorti des millions de personnes, la Chine a sorti des millions de personnes de la pauvreté en leur donnant du travail. Ils ont vécu dans des conditions pas toujours agréables. On vit dans un pensionnat, hein, au lieu d'aller en cours, eh bien, on va à l'usine. Et les enfants des campagnes, eh bien, ils sont très peu scolarisés, et on les envoie, dès qu'ils ont 15-16 ans, on les envoie dans les grandes villes pour travailler, de façon à nourrir la famille qui est restée dans la campagne. C'est un exemple, un autre exemple, s'il vous plaît, et je terminerai. Ça marche. Voyons la croissance du Brésil. Le Brésil est en train d'exploser. C'est un pays qui devient riche maintenant. Ouais, mais c'est là qu'il y a le plus de pauvres dans les favelas et qu'on sort. Et là, on va ainsi pour toute l'Amérique latine. Et je vous remercie à tous de votre attention. Merci Serge pour ces éléments et de mettre en lumière un côté plus sur la misère mondiale, parce que le 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère, et effectivement les exemples sont multiples. Après tous ces propos assez importants, lourds parfois, mais voilà, tellement nécessaires pour se rappeler un petit peu tout ça et la réalité de la misère, on va faire une petite pause musicale et ensuite on reviendra dans le détail pour vous présenter cette journée du 17 octobre et des manifestations qui auront lieu à Montpellier. Donc on va écouter Bilderheim, Babylone. Assis près de moi en rigolant et en jouant avec un yo-yo, yo-yo-yo. Il m'a demandé comment ça va, j'ai répondu un peu surpris. Moi je suis loin du nirvana, mais la vie c'est la vie. Il m'a raconté des tas d'histoires debout dans le compartiment. Quand j'ai vu tout le monde se parler comme une pas un ringard, vous apitoyez pas. La pitié saluerait son art, c'est un comique en tenue de gala. Moi je l'ai revu depuis ce jour et j'aimerais bien aller le voir. Les médecins disent qu'il est mêlé, c'est vrai qu'il se fend la poire. Chambre 23, pavillon des lilas. Si tous les hôpitaux du monde pouvaient chanter comme ça. Babylone, Babylone, Babylone, tu décolles. Babylone, Babylone, bientôt t'écrasera plus personne. Babylone, Babylone, Babylone, tu décolles. Babylone, Babylone, bientôt t'écrasera plus personne. Et Babylone, Babylone, Babylone, tu décolles. Et Babylone, Babylone, bientôt t'écrasera plus personne. On vient d'écouter Bilderheim Babylone, après avoir échangé sur différents thèmes de la pauvreté que nous ont présenté les différents membres et alliés d'ATD Quart-Monde qui sont présents dans nos studios. Donc on se retrouve pour la dernière partie de l'émission du collectif La Boussole. Vous êtes toujours sur Radio Clapas 93.5 FM. Il y a aussi le Facebook de Radio Clapas et le site de Radio Clapas qu'on remercie encore de nous inviter dans leur studio. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de la journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre. Donc le 17 octobre aura lieu à Montpellier différents événements, organisés entre autres par ATD Quart-Monde et d'autres associations. J'ai pas le nom de toutes les associations, mais vous les retrouverez la journée du 17 octobre. Il y aura le Secours Populaire, le Secours Catholique, donc ATD Quart-Monde et bien d'autres. Donc cette journée du 17 octobre, concrètement, donc elle aura lieu à partir de 14h30 à Plancabane et il y aura différents ateliers dont on vous parlait brièvement. Ce qui est important déjà de vous dire, c'est que c'est ouvert à tous. Et donc voilà, il y aura des stands sur Plancabane. Vous pourrez retrouver notamment nos invités aujourd'hui dans les studios qui seront présents. Donc est-ce que l'un d'entre vous déjà veut éventuellement nous parler de cette journée qui a lieu chaque année? Aujourd'hui, cette année, c'est l'anniversaire, c'est les 30 ans. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, de savoir ce qui va se passer, Jackie? Disons que moi, je voudrais faire un petit communiqué. C'est en rapport au père Joseph, comme on dit, Wojcicki. Disons qu'il a fondé ça en 1957. Et puis bon, il y a surtout sa mort aussi, parce que qui concerne cette année. Il y a surtout ça que moi, je parle. Et je parle en rapport à son nom. Disons qu'il faut bien mentionner cette chose, en se disant comme quoi on fait ça en même temps pour les 30 ans de la journée de la misère, mais moi je veux bien évoquer surtout quand il a créé le mouvement, et c'est surtout pour son centenaire, c'est son anniversaire surtout que je veux dédier ça. Voilà. Okay. Une petite parenthèse, j'ajoute pour donner un peu du poids à notre association, qu'elle a été aussi créée en collaboration avec la nièce du général de Gaulle. D'accord. Merci pour ce détail. Alors, pour revenir sur la journée elle-même, on n'a pas le programme clair sous les yeux, mais pour déjà vous donner quelques éléments, donc à partir de 14h30 sur Plancabane, il y aura déjà un café-boisson qui est mis en place par le Secours Populaire, qui sera à votre disposition. Et ensuite, il va y avoir différentes activités, et notamment des tables rondes, où vous allez pouvoir échanger sur différents thèmes. Là, par exemple, cette année, le thème de 2017, c'est le thème « Jeunes et migrants », que vous pouvez retrouver sur une des tables rondes, mais il y aura aussi d'autres thèmes, on ne les a pas là tous en tête. Mais voilà, il y en aura notamment organisé par Paul Bramy. Et durant toute l'après-midi, comme ça, vous pourrez venir vous installer et discuter et échanger à la fois avec des personnes d'ATD Carmont, mais aussi d'autres associations et des personnes qui ne représentent aucune association, mais qui ont envie de venir échanger sur ces sujets, donner leur opinion, de faire partager leurs connaissances. On en revient à ce que disait un peu tout à l'heure Marie-Françoise Combaz, qu'on va d'ailleurs écouter, sur les croisements de savoir. Avant d'écouter Marie-Françoise qui va nous parler de cette journée du 17 octobre, Serge voulait nous apporter un complément. Je veux inviter tout le monde à des scénettes de théâtre qui auront lieu au Théâtre de la Plume dans le quartier de Plancabane du le 16 octobre. Le 16 octobre, à 19h, c'est un lundi, me dit-on. Et bien évidemment, l'entrée est gratuite. Et j'espère que vous passerez un bon moment. Je tiens à préciser que les acteurs sont des SDF, présents, en actif ou qui en sont sortis. Mais ce sont des SDF. Ce qui est d'ailleurs le spectacle organisé dans le cadre des ateliers théâtre de l'association La Boussole. Voilà. On va écouter. L'association La Boussole. On va écouter Marie-Françoise Combaz, une des personnes un peu à l'origine de cette journée du 7 octobre, du moins de l'organisation des événements, notamment sur Montpellier. Elle va nous parler brièvement un peu de cette journée avant qu'on rentre, qu'on vous explique de nouveau le programme et qu'on vous donne les dernières infos en fin d'émission. Donc on se retrouve de nouveau avec Marie-Françoise Combaz, qui donc pendant très longtemps a été en charge de l'organisation de la journée du 17 octobre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur cette journée ? Alors le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère. En gros, c'est à mes yeux une journée où on se rassemble, on se réunit de façon à affirmer ensemble ce refus de la misère, ce souhait de faire respecter les droits de chacun, ce souhait d'écouter la parole de chacun, de se rencontrer, de se reconnaître, de créer un lien finalement entre des personnes qui peut-être n'avaient aucune chance de se rencontrer dans la vie quotidienne. Une personne qui est en situation d'exclusion, de grande pauvreté, et une personne qui a sa vie, qui a un salaire régulier, qui a ses enfants à l'école et qui finalement va peut-être habiter dans un quartier qui ne va pas lui faire rencontrer des personnes en grande précarité. Donc ce jour-là, c'est évidemment, c'est une journée organisée par des associations, mais le but n'est pas de mettre en avant les associations, et pas plus ATD Carmonde que les autres, mais plutôt d'organiser des lieux, des moments pour organiser cette rencontre et ce partage. Que les gens puissent se rencontrer. J'avais envie de reprendre ce que vous me disiez un peu en off. Vous aviez une phrase qui résumait assez bien un peu cette journée. Je ne l'ai plus en tête. C'était un droit pour tous. Tout le monde participe. C'était l'accès de tous aux droits de tous par la participation, par la mobilisation de tous. En fait, c'est le titre d'un avis du Conseil économique, social et environnemental qui a été donné il y a plusieurs années. Et je trouve que ce titre est assez parlant. C'est l'accès de tous, donc tout le monde est concerné. Il n'y a pas de personnes qui doivent être exclues de cet accès aux droits. Aux droits de tous, parce que les droits de l'homme, les droits humains sont les mêmes pour tous. Tout le monde doit avoir accès à un logement, a le droit de pouvoir vivre en famille, de pouvoir donner une éducation à ses enfants, a le droit de pouvoir circuler par exemple, vivre là où il souhaite vivre. Et par la mobilisation de tous, c'est-à-dire que chacun a quelque chose à faire dans sa vie, peut-être un regard, une posture à avoir dans son métier, dans son travail, dans son association de parents d'élèves, dans son association sportive, dans sa vie quotidienne. Voilà. Tout le monde a quelque chose à faire pour que chacun puisse sentir qu'il a sa place dans la vie quotidienne de tout le monde. D'accord, écoutez, j'espère que le message est bien passé et que du coup, du monde sera présent la journée du 17 octobre pour venir participer avec l'ensemble des associations. Merci beaucoup, Madame Marie-Françoise Combaz. Merci à vous. Et rendez-vous le 17 octobre. Donc voilà, on vient d'écouter Marie-Françoise Combaz qui nous parle de cette journée du 17 octobre. Et effectivement, l'idée, c'est que on est tous concernés par la misère parce qu'on est censé être tous concernés par l'autre. C'est un peu le message passé. Donc voilà, on vous invite vraiment à venir participer à cette journée. Je vais vous rappeler le programme brièvement. Donc ça commence à 14h30. Vous pourrez retrouver le programme en détail sur le site d'ATD Quart-Monde, également sur le Facebook de La Boussole. Donc rendez-vous 14h30 le mardi 17 octobre pour un café-boisson organisé par le Secours Populaire. Ensuite, durant l'après-midi, il y aura plusieurs tables rondes qui seront organisées sur différents thèmes, comme j'ai pu parler tout à l'heure. Une table ronde notamment organisée par Paul Ourami sur un thème jeunes immigrants, mais aussi bien d'autres. Il y aura aussi un goûter organisé par des jeunes. Hugues, tu en pouvais en dire un petit peu plus sur le sujet, des jeunes de la PJJ, c'est ça, protection de la jeunesse, judiciaire de la jeunesse. Voilà. Ils vont participer justement à l'élaboration du goûter pour montrer que chaque personne a une richesse à apporter, qu'il ait fait quoi que ce soit du mal, qu'il soit passé quoi que ce soit dans sa vie, la personne a quelque chose à apporter. Sa contribution. Voilà. Je crois que moi j'invite tout le monde à venir découvrir non seulement les différents visages de la pauvreté, parce que c'est en connaissant l'autre qu'on peut arriver, que les peurs s'en vont. Et surtout que s'il y a quelque chose qu'on peut partager sans jamais s'appauvrir et en enrichissant tout le monde, c'est bien le savoir et les différentes personnalités qui composent l'humanité. En partageant l'argent, on s'appauvrit, et c'est pas pour ça qu'on enrichit l'autre, mais en partageant son propre savoir ou ses propres expériences, on ne s'appauvrit pas, mais on s'enrichit mutuellement. Donc venez nombreux. On vous invite à venir partager dans vos expériences, notamment lors de ces tables rondes et puis dans tous les échanges que vous pourrez avoir hors de ces tables. Il y aura des animations diverses, il y aura sûrement de la musique, de multiples animations. Il y a un repas à 19h aussi qui est fourni par Saint-Vincent de Paul, il me semble. Et à 20h30 également, au café Le Dôme, il y aura aussi un café débat organisé avec Isabelle Loss. Donc voilà, donc de 14h30 jusqu'à 22-23h, vous pouvez venir participer à différents ateliers pour cette journée du refus, journée mondiale du refus de la misère, où on est tous concernés, et c'est un peu le message de cette émission. Avant de vous quitter, je voulais refaire un dernier petit tour de table. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Lucette? Un petit message à passer en fin d'émission? Un petit message, venez nombreux à cette journée, comme ça, plus on est de fous, plus on rit, plus on est, voilà, tout ira bien. Ok, merci de votre participation. Hugues, un dernier mot? Ouais, venez nombreux. Plus il y a de fous, moins il y a de riz, mais c'est pas grave, même s'il y a moins de riz, on mangera quand même bien. Voilà. Merci, Jackie. Un mot? Disons que il y a les gens, surtout qui vivent dans la précarité, en même temps parlant des réfugiés, des ressortissants et tout ça, ils sont tous invités, là, ce 17 surtout. Et puis, il y a des personnes qui peuvent vous entendre. Il y a un présentateur qui s'appelle Paul. Vous allez vous adresser pour pouvoir discuter avec lui. Et comme ça, vous pouvez rentrer en lien, dire avec les militants, les délégués et en même temps des alliés. Voilà. Et je vous souhaite, un bon 17. Au revoir. Merci, Jackie. Serge, un dernier mot? Insister sur la philosophie de notre action. Tout être humain est à la condition d'être humain. Qu'il soit riche, soit pauvre, quelle que soit sa couleur, un être humain est avant tout un être humain et doit être considéré comme tel. Merci. Et j'en profite, Serge. Je vous rappelle, le lundi 16 au Théâtre de la Plume, dans le cadre de cette journée du 17 octobre, il y aura un spectacle gratuit avec Serge notamment et d'autres personnes. Voilà, un spectacle plutôt humoristique autour de l'élection présidentielle. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, ce sera le lundi 16 à 19h. Hugues, vous vouliez dire un dernier mot avant qu'on se quitte? Juste une chose pour mobiliser. Juste une chose, c'est que la société, ce n'est pas l'État ou la personne qui est élue. La société, c'est nous. Et si la société est égoïste, c'est parce que chacun de nous est égoïste. C'est en s'ouvrant à l'autre qu'on améliorera la société. On ne peut pas améliorer la société que en s'améliorant soi-même. Voilà. Merci. Donc, rendez-vous le 17 octobre pour la journée mondiale du refus de la misère. Voilà, les différentes associations, que ce soit TD Quart-Monde ou d'autres qui vont être présentes ce jour-là, ont besoin aussi d'énergie et d'investissement. Donc, s'il y a des personnes aussi qui veulent s'investir, faire du bénévolat ou devenir militant ou autre, n'hésitez pas, allez vers ces associations-là. Je vous rappelle le site internet notamment de ATD Quart-Monde, www.atd-quartmonde.fr. Je voulais aussi également remercier Radio Clapaz de continuer à nous accueillir sur 93.5 FM. Donc merci à eux. On se retrouvera le mois prochain. Et vous pouvez aussi suivre nos différentes activités parce que des ateliers vont redémarrer avec le mois de septembre si vous voulez orienter des personnes. Suivez le Facebook de l'association La Boussole. Merci à vous tous, merci à Radio Clapas et rendez-vous le mois prochain.